évacué par ma sœur dans son F2. Dans un quartier appelé la Zub, le premier soir elle avait feu. Ses flammes et ses odeurs m'ont fait repenser à la guerre. Pourtant pour ça, j'ai quitté ma belle terre. Mais mon beau frère m'a rassuré, m'a dit que c'était normal. C'est les jeunes qui galèrent, qui en ont marre de cette vie banale. Donc il dit allume les voitures, ça range le président, allonge son discours. Sa campagne électorale le fait passer au deuxième tour. Pendant que les immigrés passent, des délinquants bas des tours. Ma vie a sens, m'a dégoûté de la France. Dis-moi monsieur le président, qu'est-ce t'en penses? Est-ce normal qu'on t'entraîne dans shit dans leur souffrance? On se calque du système pour qu'on s'enfonce. Ma vie, ma ville, je l'aime, je reste 8-9 sans sens. Mec, d'où tu viens, qui tu es, ça n'a plus d'importance. Dans chaque ville, on vit les mêmes souffrances. Frères et sœurs, unis sont nous, formons la résistance. Ma vie, ma ville, je l'aime, je reste 8-9 sans sens. Mec, d'où tu viens, qui tu es, ça n'a plus d'importance. Dans chaque ville, on vit les mêmes souffrances. Frères et sœurs, unis sont nous, formons la résistance. Ma vie à sens commence à l'âge de 6 ans. Arraché du 9-2 avec une paire de ciseaux. Les Hauts-de-Seine, Bagneux, les Lyonnais, premiers pas. La cité de la pierre plate, le parc Nelson Mandela. Mais arrivé dans le 8-9, tout ça devait changer. Mes parents, les soucis, ne devaient plus les ronger. Mais au lieu de ça, c'est tout le contraire. Divorce arbitraire, et ça finit dans une caisse élevée par un grand frère. Mis à part ça, les années passent et le mental se renforce. Ainsi que la rage contre un système qui nous a rendu féroces. Ma vie à sens m'a apporté la douleur. Comme méthode, je finirai borne, j'en ai vu toutes les couleurs. Ma vie a sens, là où on survit. Sans aucun sens, toujours en sursis. Donc sens, tout dit d'Acris, le même combat. Élevé au plus haut rang, ce qu'on a construit en bas. Ma vie, ma ville, je l'aime, je reste 8-9 sans sens. Mec, d'où tu viens, qui tu es, ça n'a plus d'importance. Dans chaque ville, on vit les mêmes souffrances. Frères et sœurs, unis sont nous, formons la résistance. Ma vie, ma ville, je l'aime, je reste 8-9 sans sens. Mec, d'où tu viens, qui tu es, ça n'a plus d'importance. Dans chaque ville, on vit les mêmes souffrances. Frères et sœurs, unis sont nous, formons la résistance. Ma vie a sens, plein de rythme et de bon sens. Notre squat est break sur l'avenue de la violence. Nouvelle annonce sur lequel j'ai ta danse. Phrases et sœurs, soyez fous, belle chanter la délinquance à l'évidence. L'amour ici a trop d'absence. Et ça depuis que la haine a fait sa connaissance. Bienvenue ici, un nouveau lieu où il y a trop d'insensé. T'as fauté, t'es foutu, car ici tout se sait. Et ce NS en plein essor de verbal agresseur. Et c'est depuis que l'innocence est fait prendre dans un sens. Trop incandescent, 8-9 dans le sang. Mec, et ça se sent jusque dans le son dingue. Prends ma bouche pour un flame, pour tes gars et tes zings. Pareil qu'on est tous dead. J'ai l'astro et l'abdomen, j't'assure, demande à Stark. Sans un 4 pour un flic et ce NS au coup plaque. Ma vie, ma ville, je l'aime, je reste 8-9 sans sens. Mec, d'où tu viens, qui tu es, ça n'a plus d'importance. Dans chaque ville, on vit les mêmes souffrances. Frères et sœurs, unis sont nous, formons la résistance. Ma ville, je l'aime, je reste 8-9 sans sens. Mec, d'où tu viens, qui tu es, ça n'a plus d'importance. Dans chaque ville, on vit les mêmes souffrances. Frères et sœurs, unis sont nous, formons la résistance.